sans le voir. Ne le laissez pas marcher dans le noir. 200 mètres en voiture vous paraissent faciles, mais croyez-le, à pied c'est plus difficile. Difficile. Tous les autostoppeurs, soit garçons ou filles, vagabonds d'occasion, l'été venu fournir. La fin veut des moyens, il faut être pratique. Qui ne saurait juger par excès de principe. Indifférence et méfiance sont deux mamelles de la France. Pour qui passer sans le voir, ne le laissez pas marcher dans le noir. 200 mètres en voiture vous paraissent faciles, mais croyez-le, à pied c'est plus difficile. L'aventure pour ces gens, c'est le bord d'une route qui souvent sera longue et parfois sera courte. Ajoutez à l'histoire les caprices du ciel. Si le stop est un jeu, il n'a pas son pareil. Ce sympathique phénomène est un trait de la vie moderne. Vous qui passez sans le voir, ne le laissez pas marcher dans le noir. 200 mètres en voiture vous paraissent faciles, mais croyez-le, à pied c'est plus difficile. Difficile.